Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, rencontre avec AmiJan, une association humanitaire d'étudiants en santé de Nancy qui est engagée aux côtés de la ville de Locosa et du centre d'accueil à Providence et au Bénin. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Camille et Iris. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Bonjour, merci. Camille, je te laisse la parole, te présenter déjà. Donc, je m'appelle Camille et je suis étudiante en troisième année de médecine et je suis présidente de l'association AmiJan sur le mandat 2025-2026. Et Iris ? Et du coup, moi, je m'appelle Iris. Pareil, je suis étudiante en troisième année de médecine et je suis cette année secrétaire de l'association AmiJan pour le mandat 25-26. L'association AmiJan existe depuis de nombreuses années. Exactement, depuis 2001. Vous n'étiez pas né quand l'association a été créée. En effet. Donc, tous les ans, vous êtes intégré dans cette association quand ? Alors en fait, on entre dans l'association en deuxième année de médecine. Donc on a des entretiens qui sont faits et en fonction de ça, on est choisi par ceux qui sont déjà dans l'association. Donc on entre en deuxième année, on fait sur cette première année-là un premier poste. Pour ma part, je gérais tout ce qui est éducation, donc c'est-à-dire les interventions dans les écoles auprès des enfants. Et ensuite, quand on passe en troisième année de médecine, on change de poste pour avoir des postes un peu plus à responsabilité administrative, on va dire. Et donc, on continue une deuxième année. Donc, quand on entre dans l'association, on entre pour 2 ans. Et Iris ? Moi, l'année dernière, j'étais vente. Donc, ça veut dire que j'organisais les ventes qu'on fait mensuellement à la fac de médecine ou alors même, par exemple, dans des IFSI. Donc, institut de formation. De soins infirmiers. Ouais. Au sein de l'association AmiJan, là, vous êtes combien d'étudiants ? Alors, on a 20 étudiants en médecine. Donc, c'est un bureau de 10 étudiants en deuxième année et 10 étudiants en troisième année. Et on a également un pôle de paramédical, donc infirmiers, kinés, ergothérapeutes. On a également aussi des sages-femmes avec nous. Ça dépend des années, en fait. Ça varie en fonction des entretiens qu'on a chaque année. Et le nombre varie aussi. On est en général entre 5 et 10 paramètres en plus. Et quand on est étudiant en médecine, on a le temps de s'engager en plus dans une action humanitaire comme celle d'AmiJan ? Eh bien, disons que sur les études de médecine, il y a 2 années qui permettent, entre guillemets, d'avoir un peu cet engagement qui prend quand même beaucoup de temps, on va se le dire. C'est justement la 2e et 3e année. Donc, après la première année qui est assez intensive, on a ces 2 années un petit peu plus calmes, on va dire, avant de remonter crescendo vers le second concours. Donc, voilà, on en profite un peu justement dans ces 2 années pour faire un maximum de choses à côté. Alors parlez-nous de cette association AmiJan que j'ai rapidement évoquée. L'objectif de cette association, dites-nous tout. Alors donc nous, on est en lien avec un centre d'accueil au Bénin qui s'appelle La Providence. Et donc notre but premier, c'est de subventionner cet orphelinat sur tout ce qui est frais alimentaires, scolaires, médicaux, sanitaires. On prend en charge vraiment tous leurs besoins pour le faire fonctionner du mieux possible. Donc ça, c'est notre but premier. Mmh. Et ensuite, chaque année, on a également une liste de projets, que ce soit sur le centre d'accueil, plutôt de rénovation, de construction, ou que ce soit sur la ville de Locosa. Cette année, par exemple, on avait fait construire 2 salles de classe dans la commune de Locosa. Chaque année, voilà, on a une liste de projets en fait, qui sont mis en place en fonction des besoins qu'on a identifiés quand on y va l'année passée. Chaque année, on développe tous ces projets. On envoie également un conteneur de matériel. Exceptionnellement, cette année, il n'aura pas lieu. Mais autrement, chaque année, on envoie voilà, du matériel qu'on récolte tout au long de l'année en France. Donc, du matériel sanitaire, médical, des vêtements, des jouets, du matériel scolaire. Et ça fait partie également, du coup, de nos projets. Et vous avez l'occasion donc d'aller sur place ? Exactement. On se rend sur place tous les étés, donc sur le mois de juillet et août. Chaque session part 3 semaines. Donc, on a d'abord, début juillet, les 3e années de médecine qui partent 3 semaines, puis les 2e années de médecine arrivent pour nous relayer. Il reste également 3 semaines et ensuite c'est les paramètres qui arrivent les 3 dernières semaines du mois d'août pour vraiment recouvrir les 2 mois. Le but en fait c'est principalement d'aller au centre d'accueil tous les après-midi pour être avec les enfants, faire des activités avec eux, apprendre à les connaître, etc. Puisque du coup ils ont également leurs 2 mois de vacances scolaires hors école. Voilà, et vous avez déjà connu cette expérience d'aller sur place toutes les deux ? Exactement, on était toutes les deux parties au Bénin. Là, au courant du mois de juillet-août. Et quelles impressions, les premières impressions quand on arrive sur place ? Et bien en fait, je trouve que c'est beaucoup de choses prennent sens en fait. C'est-à-dire que quand on entre dans l'association, on nous parle d'un projet qui est très beau, etc. Mais tout au long de l'année, quand on fait toutes nos actions, on se rend pas forcément compte de l'impact concret qu'une semaine de vente, comme disait Iris, peut avoir en fait quand on est là-bas. Et en fait, quand on apprend à connaître les enfants du centre d'accueil, les membres également de l'association avec qui on collabore tout au long de l'année, on a un représentant local, la personne qui va gérer nos repas, qui va gérer nos transports, etc. Quand on apprend en fait à tous les connaître, bah, je trouve que tout prend vraiment sens. Et du coup, quand on revient en France ensuite, bah, on a envie de s'impliquer encore deux fois plus sur la deuxième année, en se disant qu'on sait qu'on va les revoir l'année d'après, puisqu'on retournera au Bénin, donc là, l'été prochain. Pour moi, c'est ça vraiment qui m'a marquée. Iris, pour toi, ce sentiment, c'est quelque chose que tu partages? Exactement. Donc, je trouve que vraiment, ce qu'on fait tout au long de l'année, ça se concrétise et on le voit une fois qu'on est sur place. Et puis aussi, on apprend à connaître les enfants et même toutes les personnes qui travaillent avec nous déjà au Bénin et puis pour le centre d'accueil. Et en fait, on s'attache beaucoup, beaucoup à eux et on sait que le deuxième au revoir, le premier était déjà compliqué, mais le deuxième, il va être encore plus difficile, quoi. Mais vous savez qu'au retour, vous allez transmettre aussi ça à d'autres étudiants et le fait d'être allé sur place, d'avoir rencontré les gens, d'avoir vu ce qu'ils vivent sur place, c'est plus facile de leur transmettre aussi. Exactement, le but c'est de vraiment faire perdurer l'association un maximum de temps. Et chaque année, il y a des nouveaux qui arrivent, il y en a qui partent et c'est un petit peu le but du jeu aussi qu'on accepte en intégrant l'association. On sait qu'on est engagé pour 2 ans, c'est pour ça qu'on se donne vraiment à 100% sur ces 2 années. Et on sait qu'ensuite, des personnes qui se donneront tout autant parce que c'est nous qui les choisissons et qu'on espère bien les choisir, feront d'eux-mêmes et qu'on leur transmettra un petit peu ce que nous on a pu apprendre, nos sentiments et qu'ils feront d'eux-mêmes avec les générations d'après. Et donc pour rendre possible toutes ces actions, vous devez mettre en place d'autres actions bien sûr pour récolter un peu d'argent. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous mettez en place. Alors chaque année on a différents projets, il y a des projets qui sont en place de manière récurrente, par exemple les semaines de vente qu'on fait dans notre fac de médecine ou dans les écoles d'infirmières, de kiné. On organise également des lotos par exemple, des tournois sportifs. En fait on a une personne chargée d'événementiel dans l'association qui a pour but de trouver un maximum d'événements à mettre en place pour récolter de l'argent. On fait également des emballages cadeaux dans les King Jouets, donc c'est tous les jours jusqu'au 24 décembre. Donc on se relaie chacun pour récolter aussi de l'argent de cette manière. L'année dernière on a pu faire également des ventes de brioches des fois dans des grandes surfaces, donc on a plein de petits projets comme ça. Et puis on a des événements un peu plus précis, typiquement la course qu'on organise à mi-jambe le 16 novembre qui avait déjà été organisée l'année dernière, donc là ça va être la deuxième édition cette année. Et puis on a une soirée, notre gala de charité également à l'hôtel de ville de Nancy. Ça va être cette année la troisième année qu'on le met en place et c'est une soirée qui est très importante pour nous parce qu'elle nous permet de récolter un maximum d'argent en une soirée, donc c'est beaucoup de préparation en amont, mais c'est un vrai plus pour nous aussi. Le gala en 2026, on aura le plaisir de vous accueillir à nouveau pour en parler si vous le souhaitez, mais là le prochain événement c'est le 16 novembre à mi-jambe. Exactement. C'est quoi, c'est où, comment ça se passe? Alors à mi-jambe c'est une course qui est ouverte à tout public, donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 novembre. On a un lien de billetterie sur notre compte Instagram qui est ami.jambe. Donc la course aura lieu au parc de la Sapinière à Vendeuvre. Le départ est prévu pour 10h et puis donc c'est possible de le faire en marchant avec un départ à 10h ou en courant avec un départ à 10h30. Le parcours, il y en a deux qui sont proposés. Le premier qui fait 6,6 km, le deuxième 10 km, en sachant qu'on est plutôt sur un trail qu'une course sur route. Et on a une participation de 6€ qui est demandée, qui est la même que vous fassiez la marche ou la course et n'importe lequel des parcours. Et on aura également une buvette et restauration sur place, donc voilà. Et c'est accessible à tout le monde alors? Exactement. Donc ça c'est ce rendez-vous du 16 novembre, on invite tout le monde à y participer. Autre chose peut-être dans vos actions que vous menez? On a également tout un pôle éducation qui est mis en place au sein d'Amidjan, auquel j'étais responsable l'année passée. Et donc le but c'est d'aller dans les écoles et de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge. On intervient de la maternelle jusqu'à la terminale. On a également pu faire des interventions dans des maisons de retraite, dans des périscolaires, pour vraiment faire parler de notre association, faire parler de la culture béninoise et un petit peu peut parler d'humanitaire également. L'année dernière, nous étions en partenariat avec l'école Jean 23 à Metz. Et cette année, on est en lien avec Saint-Léon de Nancy, donc de la maternelle jusqu'à la terminale. On va les accompagner tout au long de l'année, faire des interventions donc 3 fois dans l'année, 1 fois par trimestre, et puis participer avec eux à leurs événements, typiquement les courses qu'ils mettent en place, les bols de riz, etc. Et c'est vrai que c'est également un projet qui nous permet, nous, de récolter de l'argent au-delà du fait de tout ce qui est éducatif, parce que c'est quand même le but principal de ce pôle. Alors comment on peut vous soutenir aujourd'hui ? Aujourd'hui, concrètement, on peut nous soutenir en faisant des dons libres, en venant participer à nos événements, typiquement la course, le gala de charité également qui aura lieu le 2 mai, donc c'est un plus dans longtemps, on va dire. Beaucoup de gens nous sollicitent également quand ils ont du matériel, en fait, médical, des vêtements, des jouets qu'ils n'utilisent plus. Au lieu de le jeter, eh ben, ils viennent vers nous pour nous contacter et savoir si on en récupère. Donc, comme je l'ai dit avant, on n'aura pas de conteneur cette année, mais on récupère quand même un peu de matériel parce qu'on aura un conteneur l'année d'après. Donc voilà, c'est aussi une manière à nous de nous soutenir. Et puis, en faisant parler d'amis de gens, ça nous donne plus de visibilité également et ça nous permet de grandir aussi. Merci à Camille et un dernier mot peut-être pour donner envie aux gens de venir marcher ou courir le 16 novembre. Eh ben, je vous invite tous à venir parce qu'on a très hâte de tous vous rencontrer. C'est une belle manière de nous soutenir tout en faisant une bonne action pour vous aussi, en faisant un petit peu de sport. En plus de ça, on espère que la météo sera à peu près bonne et qu'on passera un très bon moment tous ensemble. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.